When the first time run, do it every time. All of the girl, them love me every time. Tell your friend, come in anytime. No one no drama, B&B, take your time. Baby, ride it, back, ride, right? I'm a second on my mind. Look out all the music, come from Koto Kak. Them said them want the root king, don't perfect the time. Them make a no samoka, the apapu rhymes. Baby, girl, them, I'm a daddy. Alright, them, I'm a daddy. Them say me bad, them just want me. Them say them love me like honey. Oh no, my baby, but panic. My girl dash it out pandiri. My name you a call up, my shawty. Blood lad bad, they be long time. Me love all of them, girl, give me all of them. Black, blonde, white, one all of them. Everything fine, come back again. My music transform in a dollar then. Il est minuit, dis-moi où t'es. Va te monter dans l'audit, tête. A ma snapé dans sa story, fini en tête. J'suis un criminal, cette loyer, sur le bras gauche, Versace, dans le Range Rose. Tu sais qui c'est, Hermano, en malin, y'a tout ce qu'il faut. Quand t'es bougeant, les gings, nous m'écordent. Suite hôtel room, baby girl, j'tête ça. Elle donne chaud, j'ai du cardio. Même quand t'es dans la foule, on regarde que toi. Elle est belle, c'est un spécimen. Elle veut qu'on joue au Space Mountain. Donc je la toggine pas trop vite, ne suis pas son mari, je me renouvelle. Me love all of them, girl, give me all of them. Black, blonde, white, one, all of them. Everything fine, come back again. My music transform in a dollar then. Il est minuit, dis-moi où t'es. La veut monter dans l'audi, tête. A ma snapé dans sa story, fini en tête. J'suis un criminal, Tu n'es pas de la famille, ne m'appelle pas frérot. Légèrement en avant, je vends en hélico. La vida loca, dans les latinos. T'es bonne qu'à toca, dans le jeu t'es la démo. Le gang est tout beau, on est trop chaque aligo. Adia et dit, je veux un tour sur la moto. Je te veux pour un soir, pas ton dadio. Tellement sûr de moi, c'est mon dernier mot. Oh no, my baby, pas de panique. My girl, dash it out, pandiri. My name, you a call up, my shawty. Blood clad, bad, they be long time. Me love all of them, girl, give me all of them. Black, blonde, white, one, all of them. Everything fine, come back again. My music transform in a dollar then. Il est minuit, dis-moi où t'es. La veut monter dans l'audi, tête. A ma snapé dans sa story, fini en tête. J'suis un criminal, I got it.